Nous sommes dimanche le 16 avril 2017. Bienvenue, chers auditeurs, à cette dernière édition présentée par Christelle Anizgama, dont voici les titres. La ministre burundaise de la Justice appelle les magistrats et juges à classer les procès selon l'ordre d'arrivée. Et Laurentine Kanyana précise que parfois les procès des riches susceptibles de corrompre ces hommes de droit sont plus rapides au détriment d'une autre catégorie de personnes, de détenus dont l'ex-président du parti MS en mairie de Bujumbura se sont évadés dans de la prison centrale de Rutana. Il y a 4 jours, ils sont partis avec 2 policiers armés qui les escortaient vers l'hôpital de Rutana où ils étaient transférés pour des soins ce jeudi. Selon la police à Rutana, pas de traces de ces 4 personnes jusqu'à présent. Le chef de colline Kalehe en commune Vianda de la province Bururi est dans les mains de la police de Vianda depuis ce jeudi. Il est avec 2 autres personnes. Ils sont accusés d'avoir détruit une partie de la réserve naturelle forestière de Vianda. Voilà pour le sommaire. La mise en onde est assurée par François Akimana. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Au 4e jour de leur évasion, on est sans nouvelles de Charles Nzeimana, ex-président du parti MSD en mairie de Bujumbura, et Bayisingize Keni sont co-détenus à la prison centrale de Rutana. Ils sont partis avec 2 policiers armés qui les escortaient vers l'hôpital de Rutana où ils étaient transférés pour des soins ce jeudi. Jusqu'à présent, pas de traces de ces 4 personnes. Selon la police à Rutana, Nzeimana Charles était accusé d'organiser des mouvements insurrectionnels et réunions clandestines au moment où son co-détenu Bayisingize Keni était accusé de participer aux bandes armées. La ministre de la Justice burundaise appelle les magistrats et juges à classer les procès selon l'ordre d'arrivée. Aimée Laurentine Kanyana précise que parfois les procès des riches susceptibles de corrompre ces hommes de droit sont plus rapides au détriment d'une autre catégorie de personnes. Des précisions apportées en début de cette semaine devant l'Assemblée nationale. Suivez-la, elle est traduite en français par Mireille Kanyange. Iyo turiko turaraba nk'abantu bari kugwa dufatire ku bantu imanza zinyaruka ku bantu bahora batoroka amabohero kenshi usanga ari abantu b'ivyaha. Lorsque nous voyons ceux qui sont libérés, prenons par exemple ceux dont les procès sont rapides, ces gens qui s'évadent des prisons, vous trouverez qu'ils ont commis d'énormes infractions, donc il y a à corriger. Les évadés sont pour la plupart des cas des donneurs de pots de vin. Souvent, il va avec un policier ou aidé par le directeur de prison ou un des employés de la maison carcérale. Ce sont des riches susceptibles de les corrompre. C'est pour cela que s'il arrive que des prisonniers s'évadent en complicité avec les policiers et d'autres employés, ceux-ci les remplacent évidemment s'ils ne sont pas partis avec. Il y a un problème. Une autre chose, le procès d'un voleur de patates douces reste dans les tiroirs, alors que ceux des auteurs d'assassinats, ceux des détourneurs de deniers publics sont rapides et là aussi, il y a complicité. Le magistrat ne fixe même pas les dédommagements. Il continue à faire son business étant à Mimba. Nous ne cessons de leur dire qu'il faut classer les procès par ordre d'arrivée. Hera kubaje ubwa mbere muhereze ubaje bwa nyuma first in first out ibi tubivuga mu nama nta nama nimwe tugira ntitubivuge. La ministre Aimée Laurentine Kanyana ajoute qu'il y a certains directeurs de prison qui empêchent les prisonniers d'aller se faire soigner sous prétexte de manque de moyens. Elle estime qu'il doit y avoir collaboration entre différentes autorités provinciales. Encore une fois, suivez la ministre de la Justice. Tout demande planification dans ses activités quotidiennes. Mais ce que nous avons constaté, c'est que le manque d'équipement pousse certains directeurs de prison ou employés à approcher les prisonniers pour qu'ils donnent une certaine somme afin d'aller se faire soigner ou suivre son procès. La personne paye alors un certain montant et le directeur cherche le véhicule. Nous pensons qu'un directeur de prison qui aura ce genre de problème devra s'adresser à la direction pénitentiaire, au gouverneur, au commissaire provincial de police ou au commandant. Si cela échoue à toutes ces étapes, il nous dira qu'il a réellement manqué de moyens. Ce prétexte, c'est la non-maîtrise de ses responsabilités pour ainsi se contenter d'un bonjour. Vous trouverez qu'un prisonnier souffrant reste en prison, mais celui qui dit souffrir du diabète ou du cœur, qui a commis une grande infraction, continue à faire son business, étant sur le lit de l'hôpital. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À présent, page sécurité de femmes résidant à Magala 1, en commune Bugarama de la province de Rumonge, sont dans les mains de la police de Magala depuis ce samedi. Elles ont été surprises en possession de 424 boules de chanvre à fumer qu'elles affirment vendre, mais refusent toujours de révéler l'origine de ces boules. Selon la police, Tatu et Nizigimana Louise, toutes originaires de la province de Chibitoke, rejoignent ainsi Ferdinand Ndouamongo, attrapé il y a moins d'une semaine avec un champ de chanvre dans son arrière-cour. Celui-ci attend d'être jugé selon OPC1 Donatien Manelakiza, commissaire provincial de la police à Rumonge. Deux personnes parmi lesquelles le chef de colline Kalehe en commune Vianda de la province Bururi sont dans les mains de la police de Vianda depuis ce jeudi. Ils sont accusés d'avoir détruit une partie de la réserve naturelle forestière de Vianda. Le gouverneur de Bururi dit que les démarches sont en cours pour des sanctions administratives. Depuis Bururi, c'est un reportage signé Jean-Pierre Misago. Après plus d'un mois que la réserve naturelle forestière de Vianda, côté Kaberenge, subit une destruction, c'est finalement ce vendredi qu'Emmanuel Nimenya, chef de colline Karehe, qui comporte cette partie de la réserve de Vianda, a été arrêté puis conduit au cachot de la police de Vianda. Il a succédé à un charbonnier arrêté la veille avec 63 sacs de charbon, plusieurs arbres abattus, dont le chrysophyllome scié à plus de la moitié et dont au moins 500 planches n'ont pas été saisies, selon Leonidas Nzigima, responsable des aires protégées dans le sud du Burundi. Selon lui, 1,5 hectare de cette réserve a été concerné par cette destruction et ce chef collinaire, de même que les autres qui se seront montrés complices, doivent être punis conformément au code de l'environnement, mais aussi administrativement. De son côté, Christian Nkurunziza, gouverneur de Bururi, dit qu'il est au courant de ce cas et que le processus menant à des sanctions administratives est déjà en cours. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Et maintenant, avant de nous quitter, quelques brèves en international. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou s'est entretenu ce samedi après-midi avec les syndicats des étudiants pour désamorcer la crise universitaire après la manifestation de lundi qui a fait un mort sur le campus de Niamey. Dans cette réunion, les engagements ont été pris pour renouer le dialogue entre les syndicats des étudiants et le gouvernement. Une autre rencontre est prévue avec le premier ministre pour trouver des solutions adéquates afin de satisfaire les revendications des étudiants, dont la construction de salles de cours et le versement des bourses. Et les États-Unis ont mobilisé quelques dizaines de soldats en Somalie à la demande de Mogadiscio pour assister les forces en matière de sécurité dans le cadre de la lutte contre les insurgés islamistes Shebab, a annoncé samedi le commandement américain pour l'Afrique basé en Allemagne. Le porte-parole précise que cette mission n'est pas associée à la formation aux tactiques antiterroristes. Il souligne que les soldats américains vont mener différentes actions de coopération et d'assistance en matière de sécurité en Somalie. Et voilà, c'est sur cette actualité internationale que nous bouclons ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. La ministre burundaise de la Justice appelle les magistrats et juges à classer les procès selon l'ordre d'arrivée. Aimé Laurentine Kanyana précise que parfois les procès des riches susceptibles de corrompre ces hommes de droit sont plus rapides au détriment d'une autre catégorie de personnes. de détenus dont l'ex-président du parti MST en mairie de Bujumbura se sont évadés de la prison centrale de Rutana il y a 4 jours. Ils sont partis avec 2 policiers armés qui les escortaient vers l'hôpital de Rutana où ils étaient transférés pour des soins ce jeudi. Selon la police à Rutana, pas de traces de ces 4 personnes jusqu'à présent. Et le chef de colline Kalehe en commune Vianda de la province de Bururi est dans les mains de la police de Vianda depuis ce jeudi. Il est accusé avec 2 autres personnes qui sont accusées d'avoir détruit une partie de la réserve naturelle forestière d'Ovianda. Merci de nous avoir suivis. Merci à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. Christelle Nizigama était au micro. Excellente nuit à tous.